l'étreinte des six trottins avec un éclat métallique, et sur cette étrange musique, les dingues et la se lever. Dans pour de basse calée le train, et les guitares forcenées, grincées sous des mains obstinées, et mes chansons, et mes refrains, mais mes chansons, mes mots. Thank you. Adieu, notre petite terre. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。